Et dans la bonne première bonne, à qui je l'aime, je n'ai rien que l'eau vraiment bonne. Pour la corde, les autres jours.